étoiles qui illuminent le ciel et l'embaume d'un joli voile. Quand disparaît le soleil, ils n'ont pas bien regardé. Ils sont passés à côté. Moi j'ai croisé ce regard d'une beauté légendaire. Je l'ai suivi au hasard. Il restera un mystère d'une profondeur extrême. Qui vous sourit, qui vous aime. Dans les yeux de Flora, moi j'ai rencontré la joie. Je le vois. On ne voit bien qu'avec le cœur, invisible pour les yeux, essentiel qu'est le bonheur. Je l'ai trouvé dans ce regard bleu qui invite à la douceur. Comme s'il était enchanteur. Dans les yeux de Flora, moi j'ai rencontré la joie. Dans les yeux de Flora, le bonheur, moi je le vois. Percer mon cœur, ce regard si bien gravé, ce flash qui vient de mon âme sœur, rien ne pourra plus l'effacer. Alors regarde-moi encore, tes yeux sont mon aurore. Dans les yeux de Flora, moi j'ai rencontré la joie. Dans les yeux de Flora, le bonheur, moi je le vois. Tes saphirs sont mes étoiles, ils brillent dans mon univers. Cette splendeur qu'ils dévoilent fait partie de mon atmosphère. Alors regarde-moi encore, c'est chaque jour un peu plus fort. Dans les yeux de Flora, moi j'ai rencontré la joie. Dans les yeux de Flora, le bonheur, moi je le vois. La joie.